Bonsoir, chers fidèles de la radio Isanganiro, et bienvenue à ce journal du soir que nous débutons par ces grandes articulations. Le gouvernement burundais n'acceptera aucun rapport mené par les étrangers sur son sol. L'affirmation est du ministre des Droits de l'Homme. C'était au cours d'une conférence de presse au cours duquel Martin Nivyabandi a aussi indiqué que le gouvernement burundais ne va pas accepter le renouvellement du mandat de la Commission des Nations Unies chargée d'enquêter sur les droits de l'homme. Le Conseil national de la communication vient de suspendre pour 3 mois les émissions de la radio CCB FM. Plus, cela à partir de ce 2 octobre pour les autres médias dont Bonécha FM, Télé Renaissance et RPA, leurs autorisations d'exploitation étaient retirées. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Les paralysies des activités à la frontière burundo-congolaise depuis ce lundi. Cela fait suite aux intenses combats entre l'armée congolaise et le rebelle Mai Mai dans la ville d'Uvira. Et polémique autour des frais de retrait des diplômes et de fonds d'études secondaires. Le ministère de tutelle a déclaré ne pas reconnaître de tels frais, mais certaines écoles disent ne pas être au courant de cette déclaration. Nous allons vous parler du cas du lycée technique des Grands Lacs. Voici pour les titres, tout de suite les détails. Eric Ouimana est du côté de la cabine technique. Aubin Nyonguru à la présentation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Page droits de l'homme. Le gouvernement burundais est prêt à rejeter le renouvellement des mandats de la Commission des Nations Unies chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Dans une conférence de presse ce jeudi, le ministre des Droits de l'Homme a indiqué que le gouvernement burundais n'acceptera plus une enquête menée par les étrangers sur son sol. Martin Nivyabandi dit qu'on attend la résolution qui sera adoptée pour réagir. Joseph Sabiabandi. Le gouvernement rejette toute idée de toutes les références à une quelconque enquête avec les étrangers. Le ministre des Droits de l'Homme menace que le gouvernement burundais rejettera toute résolution de nature à autoriser la poursuite des enquêtes par la Commission des Nations Unies chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Selon Martin Nivyabandi, la reconduction du mandat de cette commission ne conduirait qu'à la réédition des rapports déjà contestés par Bujumbura. Aujourd'hui, avec le rapport de la commission, il est proposé d'étendre pour une année le mandat de la commission, idée rejetée par le gouvernement car l'agenda restait le même. L'Union européenne a tablé une résolution qui va dans le sens de renouveler le mandat de la commission d'enquête, dont les conclusions viennent d'être rejetées également par le gouvernement du Burundi. Le rejet est fondé sur les constats du gouvernement burundais quant au forcing de l'Union européenne. Lors du processus d'adoption de la résolution 33/24, du 30 septembre 2016, du Conseil des droits de l'homme. Le ministre des droits de l'homme rejette même l'idée de remplacer les membres de la commission d'enquête. M. Nivyabandi dit que le gouvernement burundais est contre le système utilisé. Je voudrais vous informer que le gouvernement du Burundi n'est pas contre des personnes, mais contre les principes même. Le Conseil des droits de l'homme, par sa mise en place, a la mission de promouvoir et faire respecter les droits de l'homme. Vous allez lire, parmi ces missions, il n'y a pas où il est mentionné qu'ils doivent mettre en place des commissions pour le compte d'autres institutions judiciaires. Or, dans la décision qui a mise en place la commission, il est stipulé qu'ils doivent mener des enquêtes. Et dans les conclusions de la commission, il demande qu'on puisse transmettre les conclusions, les rapports au Conseil de sécurité pour saisir la CPI. Dans les procédures, il n'y a pas de link entre le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité. Ça, c'est une violation des procédures. Et étant membre du Conseil des droits de l'homme, nous avons dit qu'ils ne peuvent pas cautionner cela. Il est attendu ce vendredi qu'une résolution demandant la reconduction du mandat de la commission d'enquête soit étudiée à Genève par le Conseil des droits de l'homme, une proposition de l'Union européenne selon le ministre burundais des droits de l'homme. Merci à Joseph Sabiabandi. Plusieurs activités ont été au point mort dans la ville de Vira en RDC depuis la matinée de ce lundi. Cela a été dû aux intenses combats entre les militaires de la République démocratique du Congo et le rebelle Mai Mai, comme le confirment les Burundais et Congolais qui ont pu franchir la frontière burundo-congolaise dans la matinée de ce lundi. Le détail dans ce reportage d'Evariste Nzikobanyanga qui s'est rendu sur les lieux. Les hélicoptères des forces onusiennes de la MONUSCO survolaient les airs de la ville d'Uvira et ses environs depuis la matinée de ce jour. Des échanges de coups de feu ont été entendus. Les écoles sont fermées, comme le confirment deux filles burundaises qui étudient à l'ITEM Uvira, ce jeune Congolais fouillé parmi les autres. Mon nom, c'est Guillaume Alekera. Toi, tu viens de la RDC. Comment est la situation de l'autre côté? Oui, depuis hier matin, il y avait des troubles, mais on nous a dit que ça va aller. On a attendu, on a bien dormi, mais vers 3h30, ils ont encore commencé. On nous dit qu'ils sont juste ici, juste à côté de la ville. C'est pourquoi nous, on est obligé de quitter la ville, quoi. Voilà. Vous quittez la ville d'Uvira vers où? Je quitte la ville d'Uvira, je pars à Bukavu. On m'a dit qu'à la plaine, il n'y a pas moyen de passer. Je suis obligé de passer par Uvira pour rentrer dans mon pays, mais précisément à Bukavu. Le trafic était au point mort à la frontière burundo-congolaise, comme l'ont indiqué les chauffeurs des taxis qui étaient garés. Ce jeune Congolais qui passait par Bujumbura en destination de Bukavu lance un cri d'alarme. S'il y a moyen de nous laisser en paix, ça peut être bien pour nous. S'il y a moyen de venir en aide pour les gens qui restent à Uvira, parce que c'est là où reste ma famille, ça me fera plaisir. Les combats qui se déroulent à Uvira et ses environs depuis ce mercredi opposent les forces armées congolaises et le rebelle Mai Mai, selon les sources recueillies à la frontière burundo-congolaise. Merci à Évariste. Le Conseil national de la communication, comme je venais de l'annoncer, vient de décider le retrait de licence d'exploitation de 3 stations de radio et télé privées. La radio CCB FM Plus, quant à elle, est suspendue pour 3 mois à partir du 2 octobre prochain. La vice-présidente du CNC et porte-parole de cet organe, Emedi Vineni Okwizigira, l'a déclaré ce jeudi vers le soir au terme d'un atelier de 2 jours qui a été tenu à Muyinga, au nord du Burundi. Suivez-la. Les émissions de la radio CCIB FM Plus sont suspendues pour une période de 3 mois à partir du lundi 2 octobre 2017 suite à la diffusion d'un contenu éditorial jugé contraire à l'éthique professionnelle et à la loi régissant la presse. La même décision de retrait de l'autorisation d'exploitation concerne également les stations de radio et de télévision suivantes pour n'avoir pas respecté leur cahier de charges et d'autres pour n'avoir pas réglé leur dossier judiciaire dans les délais donnés par le Conseil national de la communication. Il s'agit de la radio Bonesha FM, la radio publique africaine, la radio Renaissance et la télévision Renaissance. Et voilà, c'était Aimé Divine Niyo Kwizigira et les porte-parole du Conseil national de la communication, en même temps vice-présidente de ce conseil. Certains journalistes des médias privés dénoncent la rétention de l'information par certains mandataires publics. Ils estiment que toute personne détentrice d'une information devrait la donner au profit de ses destinataires, qui sont la population qu'ils sont appelés à servir. Suivez-les, ils se sont exprimés en ce 28 septembre où le monde célèbre la journée internationale dédiée au droit d'accès à l'information. C'est pas facile d'accéder à l'information. Surtout, je peux tirer un exemple d'une commune de la province de Rutana, que je peux pas citer le nom sur son micro, où un administratif n'est pas accepté de donner l'information aux journalistes. Alors que si on est là, si on est sur terrain, on est là pour le bien de la nation. On est là pour chercher des informations qui peuvent, au moins demain ou après-demain, aider la population dans tous les domaines, je dirais. Il y a des cas où la source vous refusez l'information ou résiste. Par exemple, vous savez, on commence à le contacter par téléphone, mais à un certain moment, il peut décrocher, il peut ne pas répondre ou retarder le rendez-vous. Ce sont des problèmes qui sont quotidiens pour un journaliste. Un exemple qui m'est arrivé dans une commune appelée Minga Kawewe, j'ai été voir dans un centre de santé, il y avait des mamans, des femmes et leurs enfants qui devraient avoir des suppléments alimentaires. Et au moment où je venais de terminer l'interview, j'étais obligé de prendre une interview des responsables de ce centre de santé qui ont tout de suite contacté leurs responsables à leur tour et ces responsables n'ont pas accepté. J'ai été obligé d'approcher ou de demander au porte-parole du ministère de la Santé qui, après avoir compris le sujet, Il a tout de suite accepté à ce que ces gens me donnent l'interview. Mais malheureusement, les autorités au niveau de la province n'ont pas accepté de donner cette interview. Les intellectuels burundais refusent de donner de l'information et essaient de le contacter, mais ils te disent vraiment, ne me cherchez plus. Et karma, ça c'est un problème. Par exemple, il y a des événements qu'il faut décrypter, qu'il faut analyser, mais tu trouves que la source ne veut pas s'exprimer. Mais on essaie de travailler, de faire son mieux pour faire ton métier, un métier qui t'aura aidé parce que c'est un métier que nous aimons. Je peux demander à tout le monde, ce n'est pas les administratifs seulement, même la population. La population qui, elle aussi, souvent, ont des informations utiles pour la nation. Ils peuvent donner ces informations aux journalistes. Les journalistes ne sont pas des ennemis. Ce sont plutôt, l'intermédiaire des institutions et de cette population pour en fait ouvrir des horizons de toutes les informations qui peuvent surgir dans la population. Soit ça peut aider ou, demain ou après-demain, être exemplaire pour la population entière. Et voilà, c'était certains journalistes qui se sont exprimés au micro de Joseph Sabiavandi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page éducation, certains lauréats du lycée technique des Grands Lacs se trouvant dans la zone urbaine de Ngagara ont observé ce jeudi un sit-in devant cette école. Ils indiquent ne pas comprendre les raisons qui poussent la représentation légale de cette école à collecter une somme de 28 500 francs destinée au retrait des diplômes au moment où le ministère de tutelle a déjà sorti une ordonnance qualifiant d'illégal de tels frais. Ils dénoncent aussi ce qu'ils considèrent comme une décision de deux poids, deux mesures dans l'octroi des diplômes sous prétexte des irrégularités qui seraient dans leur dossier. Suivez-le au micro de Charles Makoto. Arrivé en deuxième, le directeur nous a dit d'apporter nos dossiers individuels pour que nous soyons en ordre, chose qui a été faite jusqu'au stade de passer l'examen d'État. On nous disait que nos dossiers n'avaient aucun problème. Curieusement, nous constatons pour certains qu'il y a un manque de certains documents comme le certificat de 10e. Pour d'autres, vous trouvez qu'il y a un bulletin qui manque ou un autre document alors qu'avant, vous avez déposé un dossier complet. Pour le moment, on est en train de nous demander des frais de retrait de diplôme, alors que nous savons bien que le ministre de l'Enseignement a interdit cette pratique. Très récemment, le représentant de cette école nous a dit que nos dossiers étaient incomplets ou encore nos diplômes ont été mal complétés au ministère et qu'ils ont été conservés. Cela étant, certains des élèves dont les noms figuraient sur cette liste dont les dossiers seraient incomplets sont venus dans son bureau. Il leur a demandé de la afin de les arranger pour qu'ils obtiennent leur diplôme rapidement. Après qu'ils aient juré n'avoir aucun franc, il leur a montré sur place leur diplôme avec comme condition de ne pas dire qu'il leur a exigé des pots de vin. Ce qui est évident est que la finalité de tout est l'argent. Ils nous demandent cet argent comme frais de diplôme alors que nous savons que le ministère a interdit cette pratique. Ils nous font payer 28 000 francs. Nous aimerions savoir la finalité de ces choses. Si la ministre n'a pas interdit la collecte des frais de diplôme, qu'on le sache. Et si l'école est au-dessus des lois du ministère, qu'on le sache également. Interrogé à ce sujet, Eric Nkurunziza, représentant légal adjoint de cette école, qui est pointé du doigt par les irrégularités mineures qui seront progressivement corrigé quant aux frais de retrait des diplômes, il indique ne pas être au courant d'une ordonnance qui empêcherait la collecte de ces frais. Suivez-le plutôt, toujours au micro de Charles Makoto. Je veux quand même clarifier une certaine chose. Il faut que ces élèves comprennent que les cas ne sont pas les mêmes. Il y a des élèves dont les irrégularités sont mineures et ces irrégularités sont progressivement élevées. Lorsque un élève te dit qu'il a fréquenté une école et lorsque le directeur de cette école-là l'approuve par une attestation de fréquentation, nous amenons son document au ministère et son cas est réglé. Alors, je pense que ça devrait absolument être une démarche à suivre. Ces élèves devraient absolument être patients pour essayer de faire en sorte que les irrégularités qui peuvent être élevées par des suspicions puissent être réglées rapidement et sans problème. Ces élèves évoquent également le problème des frais de retrait de diplôme qui s'est révélé autour de 28 500. Ces frais ont été interdits par une ordonnance ministérielle. Que répondez-vous à cette inquiétude? Ces frais ne sont pas perçus par le directeur. Ce sont des frais qui sont reconnus comme des frais scolaires, comme même le Minerval. Aujourd'hui, lorsqu'un élève se présente pour s'inscrire dans un établissement privé, on lui donne les sources d'informations nécessaires. On lui dit que les frais d'inscription sont d'autant, que les frais au Minerval, c'est d'autant, et que et tous ces frais-là, y compris les frais d'assurance, ces frais-là sont des frais fixés par le règlement scolaire en interne. Donc, le ministère, effectivement, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont des frais qui sont liés aux papiers qu'ils reçoivent, ou des titres qu'ils reçoivent, parce que les titres, lorsqu'ils les méritent, ils les ont. Lorsqu'ils ne les méritent pas, bien évidemment, ils ont les ont. Comment appelez-vous ces frais s'ils ne sont pas des frais liés au retrait de diplôme? Ce sont des frais, probablement que même l'appellation est péjorative. Parce que ces frais-là sont des frais pour permettre à ce que l'école puisse continuer à vivre. Parce que pendant les vacances, les établissements scolaires ne peuvent pas être minervés. Or, vous le savez très bien que les établissements scolaires privés vivent sur les revenus liés à la perception des minervés des élèves. Alors là, il nous revient de clarifier que ce sont des frais donc organisés, reconnus par l'école et qui sont des frais dont l'école même peut absolument avouer devant même les médias et devant même l'autorité. Et quels sont ces frais? Comment on les appelle? Des 28 000 francs. On les appelle des frais scolaires liés à la remise des diplômes, mais qui interviennent pour permettre à ce que l'école puisse continuer à vivre. Eric Nkurunziza, représentant légal adjoint du lycée technique de Grand Lac, était au micro de Charlet Makoto. Dernier élément de ce journal, la jeunesse burundaise bénéficie du programme national de volontariat des jeunes parce qu'à travers ce programme, les jeunes acquièrent l'expérience professionnelle souvent exigée sur le marché du travail. Ce sont là les propos d'Alice Ndouimana, elle est directrice du programme de volontariat des jeunes au ministère de la Jeunesse. C'était lors de l'atelier de restitution du dit projet ce jeudi. Alice Ndouimana indique également que ce programme aide les jeunes burundais dans la consolidation de la paix. Suivez-la. La valeur ajoutée du programme, d'abord à l'endroit des jeunes, c'est que les jeunes volontaires bénéficient de l'expérience professionnelle. Je dois également souligner que le programme national de volontariat des jeunes, c'est un outil transversal. Les jeunes volontaires interviennent dans différents domaines, à savoir le domaine de l'agriculture, le domaine de la santé, l'éducation, l'assistance juridique, la protection de l'environnement. Donc, c'est vraiment transversal. Et même si c'est un résultat intermédiaire, les jeunes ont pu vraiment s'associer pour des activités d'autonomisation. Parallèlement à ces activités d'autonomisation, les jeunes participent également à des activités d'intérêt général. Donc, les résultats sont déjà là. Si à travers les 4 années de mise en œuvre, on a déjà mobilisé 504 volontaires qui participent à l'amélioration des conditions de vie de la population, mais qui ont déjà bénéficié de l'expérience professionnelle et que au moins plus de 100 ont déjà bénéficié de l'emploi directement et d'autres ont créé indirectement de l'emploi à travers ces projets d'autonomisation. Je crois que ces résultats vraiment sont à pérenniser. Donc, mon appréciation est qu'il faut faire tous nos efforts, surtout en faisant la mobilisation des fonds pour faire la pérennisation de ce programme. Effectivement, avant la phase pilote de ce projet, il y avait eu des consultations pour l'étude de faisabilité. Et la grande conclusion était que le programme, durant la phase pilote, va œuvrer dans les 3 provinces pilotes, mais c'était en fonction des fonds qui étaient disponibles. Je crois que si on parvient à faire la mobilisation des fonds, comme j'étais en train de le dire, j'espère que le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture va faire l'extension dans d'autres provinces. C'est l'une des ambitions du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Alice Nduimana est directrice du programme de volontariat des jeunes au ministère de la Jeunesse. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous, chers fidèles auditeurs de la radio Sanganiro. Merci aussi à Eric pour sa parfaite collaboration technique. Bonne suite des programmes à la radio Sanganiro et bonne soirée à tous.